إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون والمسلمات لنتحدث اليوم عن وصف يجب توفره في قلب كل مؤمن ومؤمنة. Ô musulmans et musulmanes, parlons aujourd'hui d'un critère, d'une caractéristique qui doit être présente dans le cœur de tout croyant et toute croyante. Ela wa huwa al-hubbu fillah. Certes, cette caractéristique, c'est l'amour en Allah. Le fait de s'aimer pour Allah. Qala Allah tabaraka fi kitabihi. Allah le Très-Haut, il nous dit dans son livre: wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Les croyants et les croyantes sont des alliés les uns des autres. Et aussi, il nous dit, tabaraka wa ta'ala, yakulu kadhalika fi sha'nil ansar. Il dit, ta'ala, concernant les ansar, ceux qui ont accueilli les muhajiroun chez eux, qui ont préparé pour eux la ville de Médine, hayya'ulahu al-Médina, hayya'ulahum al-Médina. Il dit, tabaraka wa ta'ala, wal-lazina tabawwa'u d-dara wal-imana min qablihim, yuhibbuna man hajara ilayhim. Ceux qui ont préparé la demeure avant eux, avant les muhajiroun. Ils ont préparé pour eux la demeure. Ils aiment ceux qui ont émigré vers eux. فَهَذِهِ الْمَحَبَّةِ أَكَانَ هَؤُلَاءِ الْأَنْصَارِ يُحِبُّونَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَجْلِ جَمَالِهِمْ أَوْ مِنْ أَجْلِ أَمْوَالِهِمْ. Est-ce que les ansar, ils aimaient les muhajiroun à cause de leur beauté? Ou alors, à cause de leur argent, ils avaient beaucoup d'argent, donc ils les aimaient? La shakka ayyuha al-ikhwa wal-akhawat, anna hadhihi al-mahabba allati nasha'at bayna ha'ula kanat mahabbatan diniyya. Il n'y a nul doute, aux chers frères, que cet amour qui est né entre ces gens-là était un amour religieux. Fakana بعضهم يحب بعضا لدينه لتمسكه بدينه. Et donc l'un aimait l'autre pour sa religion par le fait qu'il s'accrochait à sa religion. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. البخاري ومسلم cité dans leur recueil respectif d'après Anas ibn Malik رضي الله عنه que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: il y a trois caractéristiques. Lorsqu'elles sont réunies chez un individu, alors celui-ci goûtera au délice de la foi. Il trouvera le délice de la foi, حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. La première caractéristique, que Allah et son messager soit plus aimé auprès de cette personne que tout autre. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. Que cet individu, lorsqu'il aime quelqu'un ou lorsqu'il ne l'aime pas, c'est que pour Allah. Il n'y a pas histoire de je t'aime pas parce que tu n'as pas beaucoup d'argent, ou je t'aime pas parce que toi tu as beaucoup d'argent, ou je t'aime pas parce que toi tu n'es pas martiniquais, ou non, il n'y a pas ça. Lillah. Je t'aime Lillah. C'est un amour pour Allah tabaraka wa ta'ala. Pur. Troisième caractéristique. أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Troisième caractéristique, donc que cette personne déteste revenir à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé. Après qu'Allah l'en ait sauvé de la même manière qu'il détesterait être jeté dans le feu. أيها المسلمون الحب في الله له فضل عظيم. Ô musulmans, le fait de s'aimer en Allah, ce caractère a des mérites grandioses. أخرج المسلمون في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يوم القيامة. L'imam muslim il cite dans son recueil d'après Abu Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit Allah dira au jour de la résurrection. On a vu précédemment Ra'ina Sadiqan. Allah il va donc plier les cieux dans une main, la terre dans une autre main. Il dira tabaraka wa ta'ala Aina al-Jabbaroun, ils sont où sont ceux qui se croient puissants? Aina al-Jabbaroun, Aina al-Mutakabbiroun. Où sont les orgueilleux? Ça, on l'a vu précédemment. Ra'ina hu sabiqan. Un malyaum, fa huwa amrun akhar. Aujourd'hui, c'est un autre sujet. Yawm al-qiyama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que yawm al-qiyama, Allah tabaraka wa ta'ala dira, Aina al-mutahabbuna li jalali. Où sont ceux qui s'aimaient par ma cause? Où sont ceux qui s'aimaient pour ma majesté? اليوم أذلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. Aujourd'hui, je vais les couvrir de mon ombre. Le jour où il n'y a nulle ombre que la mienne. Quel mérite grandiose le fait de s'aimer en Allah tabaraka wa ta'ala. أيها الناس الحب في الله ليس سنة مستحبة. Ô cher frère, le fait de s'aimer en Allah, ce n'est pas une sunna à recommander. Bal huwa amrun wajib, c'est une obligation. Akhraja muslimun fi sahihi. An Abi Hurairah radiyallahu anhu. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala: Walladhi nafsi bi yadihi. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabbu. ولا أدلكم على شيء لو فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. L'imam muslim cite dans son sahih d'après Abu Huraira radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: par Allah, par celui dont mon âme est entre ses mains, vous ne rentrerez au paradis que lorsque vous aurez la foi, et vous n'aurez la foi que lorsque vous allez vous aimer mutuellement. Ne puis-je pas vous montrer quelque chose que si vous le faites, alors vous allez vous aimer mutuellement? Répandez le salam parmi vous. Répandez le salam parmi vous. Et donc, il est important aux chers frères de prendre en compte ce sujet. Ce n'est pas un sujet à négliger aux serviteurs d'Allah. Bel kulluna nuridu. Chacun d'entre nous, nous tous, nous voulons bénéficier de l'amour d'Allah pour ses serviteurs. Le fait de s'aimer en Allah, le fait de nous aimer mutuellement, entraîne l'amour d'Allah pour ses serviteurs. أخرج الإمام مالك في الموطأ عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله L'imam Malik, il cite dans son livre Al-Muwatta, d'après Abu Idris Al-Khawlani, Rahimahullah, qui fait partie des tabi'in. Il dit, je suis rentré dans la mosquée de Damas. Fa'idha fata barraku thanaya. C'est alors qu'il y avait un jeune avec les incisives blanches. Il avait les dents blanches. Al-Muradu inda ahli al-Lugha. Dans la langue arabe, cette expression est utilisée pour dire que c'est quelqu'un qui sourit beaucoup. Et donc il y avait un jeune qui souriait beaucoup. Les gens étaient autour de lui dans la mosquée. Lorsqu'il divergeait en quoi que ce soit, il lui en parlait. Et ensuite il se basait sur son opinion à lui, un jeune. Et donc j'ai interrogé concernant cet individu. Il n'est pas allé directement, il n'a pas dit tout le monde y va, ben j'y vais moi aussi. Il a demandé le concernant. Faqila huwa Mu'adh ibn Jabal. Et donc il fut dit, c'est Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh il était jeune, radiallahu anhu. Il fut dit, c'est Mu'adh ibn Jabal. Qala falamma kana min al-ghadi hajjart. Il dit, alors le lendemain, je suis venu tôt. Cette fois-ci, je ne voulais pas venir quand il y a tout le monde. Je veux être là, profiter de sa science, lui et moi. Je veux profiter, je veux prendre la science qu'il a. فَوَجَدْتُهُ سَبَقَنِ بِالتَّهْجِيرِ. Alors j'ai trouvé qu'il est arrivé plus tôt que moi. فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي. Et je l'ai trouvé en train de prier. فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ. Alors je l'ai attendu jusqu'à ce qu'il finisse sa prière. فَجِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ. Alors je suis venu le voir face à lui. C'est-à-dire qu'il est en train de prier, il finit sa prière, je fais en sorte qu'il me voit. Je ne viens pas dans son dos pour ne pas lui faire peur. Il me voit arriver vers lui. فَجِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. Je lui ai passé le salam. ثُمَّ قُلْتُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ لِلَّهِ. Et ensuite j'ai dit, par Allah, je t'aime pour Allah. Mu'adh ibn Jabal, un compagnon. Par Allah, je t'aime pour Allah. Fait, qu'Allah Allah. Alors Mu'adh lui a dit, tu jures par Allah? Kultu Allah. J'ai dit, oui, je jure par Allah. Qu'Allah Allah. Il a dit, tu jures par Allah? Kultu Allah. La deuxième fois, j'ai dit, oui, je jure par Allah. Qu'Allah Allah. Il a dit une troisième fois, est-ce que tu jures par Allah? Kultu Allah. J'ai dit oui, je jure par Allah. Fa akhadha bi hubwati rida'i. Alors il m'a saisi par mon rida, par mon vêtement. Fa jabazani ilayhi. Il m'a tiré vers lui. Fa qala abshir. Et il a dit, prends cette bonne nouvelle, prends la bonne nouvelle. Sami'tu Rasulallah. Sallallahu alayhi wa sallam yaqul. J'ai entendu le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam a dit, qala Allah ta'ala. Allah le Très-Haut a dit, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya. Mon amour est obligatoire, il dit Allah tabaraka wa ta'ala. Mon amour est obligatoire pour tous ceux qui s'aiment pour ma cause, qui font des assises pour ma cause, qui se visitent pour ma cause, El Mutabazili Nafiya, ceux qui font des échanges mutuellement pour ma cause. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana minhum. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous placer parmi eux. Alhamdulillahi wahda. Wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون فقد أدركتم أهمية موضوعنا أو مسلمان certes vous avez compris l'importance du sujet d'aujourd'hui وكثير من الناس يزعمون محبة إخوانهم. Beaucoup de personnes prétendent aimer leurs frères ou leurs sœurs. ولكن هذه المحبة الدينية Cependant, cet amour religieux a des signes qui montrent la vérité ou qui montrent la sincérité de cet amour. فَمِنْهَا أَنَّ الْمَرْءَ لَا يَحْسُدُ أَخَاهُ الْمُسْلِمِينَ بَلْ يُحِبُّ لَهُ الْخَيْرَ وَيَنْصُرُهُ وَيُؤَيِّدُهُ. Parmi ces caractéristiques, parmi ces signes, il y a le fait que l'individu ne jalouse pas son frère musulman. Il n'est pas jaloux de lui. Mais il aime le bien pour lui. Il l'aide et le secourt. Rappelez-vous ce verset qu'on a lu précédemment. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Et ceux qui ont préparé la demeure avant eux, ils aiment ceux qui ont émigré vers eux. Ils aiment les muhajirouns. Et ils ne trouvent dans leur poitrine, dans leur cœur, aucune jalousie. Al-Hajja ici, c'est la jalousie. Ils ne trouvent dans leur cœur aucune jalousie pour ce qui a été donné aux muhajiroun. Parce que les muhajiroun ont été favorisés aux Ansar. Ils ont été favorisés aux Ansar. Et les Ansar n'ont pas été jaloux de cela. Ils vont même, eux-mêmes, les Ansar, les favoriser par rapport à leur propre personne, même s'ils sont dans une situation de difficulté. Ils voient qu'ils ont besoin d'aide, ils vont les aider, même si eux-mêmes sont dans une situation difficile. فَالْمَرْءُ يُحِبُّ أَخَاهُ يَنْصُرُهُ وَلَا يَحْسُدُهُ. Le musulman aime son frère, il le soutient, il n'est pas jaloux de lui. وَكَذَلِكَ أَيُّهَا الْإِخْوَى وَالْأَخَوَاتِ مِنْ صِفَاتِ الْمُتَحَبِّينَ فِي اللَّهِ أَنَّهُ يُخْبِرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِهَذِهِ الْمَحَبَّةِ. Et aussi, oh chers frères, parmi les caractéristiques de ces gens qui s'aiment en Allah, il y a le fait qu'ils s'informent mutuellement de cet amour qu'ils ressentent. أخرج أبو داود في سننه عن المقداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل الرجل فليخبره. Donc Abu Daoud a cité dans son recueil, d'après Al-Miqdad, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'homme aime un autre, lorsque l'homme aime son frère, alors qu'il lui dise. Wa kadhalika fi sunan Abi Daoud, et aussi dans le sunan Abi Daoud, an Anas, d'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, annahu kana rajulun inda rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un homme auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, famarra bihi akhar, et un autre homme est passé. فقال الاول يا رسول الله اني لا احب فلان. Et donc le premier, il a dit, oh messager d'Allah, moi j'aime un tel, je l'aime. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمته. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il a dit, est-ce que tu lui en as informé, est-ce que tu lui as dit? قال لا. قال فاعلمه. Il a dit, alors informe lui. فلاحقه. فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ. Alors là, il a rattrapé l'individu et lui a dit, par Allah, je t'aime. قَالَ أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ. Lorsqu'il lui a répondu, que celui pour qui tu m'aimes, t'aime. Quelle belle invocation. Que celui pour qui tu m'aimes, t'aime aussi. وَمِنْ أَوْصَافِ الْمُتَحَبِّينَ فِي اللَّهِ أَيُّهَا الْإِخْوَةِ أنهم إذا تنازعوا في أمر يحرصون على الإصلاح بينهم وترك الخلاف. Et parmi les caractéristiques de ceux qui s'aiment en Allah, il y a le fait que lorsqu'il y a un conflit entre eux, alors ils s'efforcent de se réconcilier et de délaisser toute division, tout conflit. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, إنما المؤمنون إخوة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Certes, les croyants sont des frères, alors réconciliez vos deux frères et craignez Allah afin que vous puissiez réussir. وَأَخِيرًا أَيُّهَا الْإِخْوَةِ مِنْ أَوْصَافِ الْمُتَحَبِّينَ فِي اللَّهِ أَنَّهُمْ يَتَنَاصَحُونَ فِي مَا بَيْنَهُمْ. Et pour finir aujourd'hui, parmi les caractéristiques de ceux qui s'aiment en Allah, il y a le fait qu'ils se conseillent mutuellement. فَكُلُّ مُؤْمِنٍ يُرِيدُ لِنَفْسِهِ يُحِبُّ لِنَفْسِهِ الْجَنَّةِ وَكَذَلِكَ يُحِبُّهُ لِإِخْوَانِهِ. Tout croyant veut pour lui-même le paradis, et il l'aimerait aussi pour ses frères. فَإِذَا وَجَدَ أَخَاهُ أَوْ إِخْوَانَهُ فِي أَمْرٍ قَدْ يُبْعِدُهُمْ عَنِ الْجَنَّةِ عَنِ السَّعَادَةِ الدَّائِمَةِ لَا يَتْرُكُهُمْ هَكَذَا. Et donc si le croyant voit ses frères ou son frère dans une situation qui peut l'éloigner du bonheur éternel, le paradis, alors il ne les laisse pas comme ça. بَلْ يَمْسَحُهُ وَيَحْرِصْ عَلَيْهِ. Mais au contraire, il va le conseiller et s'efforcer de l'aider afin qu'il délaisse ce mal dans lequel il est. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ. Il dit tabaraka wa ta'ala, les croyants et les croyantes sont des alliés les uns des autres. Des alliés les uns des autres, ils s'aiment et se secourent. C'est ça l'alliance. Ils ordonnent le bien et interdisent le mal. Ben oui, puisqu'ils s'aiment. Il voit son frère dans un mal, il lui dit, ya akhi, ça c'est pas bien ça. Ya ourti, non, ça c'est pas bien. Ah par contre, ça c'est bien, mashallah. Et donc, vu qu'ils s'aiment, ils s'ordonnent le bien mutuellement, et ils s'interdisent mutuellement le mal aussi. Ils accomplissent la prière, ils s'acquittent de l'aumône, ils obéissent à Allah et à son messager. Ceux-là sont ceux à qui Allah fera miséricorde. أيها المسلمون علينا أن نحرص على هذا على هذا الوصف أشد الحرص. Oh chers musulmans, nous devons nous efforcer d'avoir en nous cette caractéristique, le fait de nous aimer en Allah, le fait d'aimer Allah et d'aimer tout ce que Allah تبارك وتعالى aime. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتحبين فيه ممن ينتفع بذله يوم لا ظل إلا ظله إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.